Chapitre 15. Ikuteruka, se baissant, évita l'atteinte de son agresseur en même temps qu'il le saisissait par les chevilles et le soulevait brusquement. Le petit borgne, perdant l'équilibre, s'abattit en avant, et sa tête alla violemment heurter la paroi du wagon, si violemment qu'il lâcha son poignard et poussa un cri de douleur. Mais à la seconde suivante, il fut étendu sur le tapis recouvrant le plancher, avec sur lui Ikuteruka, qui lui appuyait son genou sur la poitrine et lui en serrait la gorge de ses doigts d'acier. « Pas un cri ou je t'étrangle !» souffla le détective en langue chinoise. « Et réponds vite si tu ne veux pas que je te jette sur la voie !» L'homme claqua des dents, et son œil unique exprima une immense terreur. « C'est le maître sans nom qui est dans le compartiment voisin ?» questionna Ikuteruka. « Oui. Et le seigneur Heng, où est-il ? » ?»« De l'autre côté, dans l'autre compartiment. » « Y a-t-il quelqu'un avec le maître sans nom ?»« Oui, son secrétaire. » »« Où va le train ? Est-il encore loin de sa destination ?»« Je ne sais pas. » »« Oh, j'atteste Bouddha que je ne sais pas !» exclama le borgne qui claquait toujours des dents. Ikuteruka comprit qu'il disait vrai. Il lui arracha sa ceinture de soie et s'en servit pour le garrotter et le bâillonner, ce qui fut vite fait. Ayant terminé cette utile opération, il fouilla l'individu et s'empara du poignard et des deux pistolets automatiques qu'il avait sur lui. Il lui enleva également ses vêtements dont il s'habilla. Puis, ayant jeté sur le borgne terrifié ses habits souillés de sang et de poussière, il se pencha vers la lucarne aménagée dans la cloison séparant le compartiment où il se trouvait de celui occupé par le maître sans nom. À la clarté de la lampe fixée au plafond, il aperçut le mystérieux personnage qui sommeillait, étendu sur la banquette, enveloppé d'une couverture de soie jaune. Il avait retiré son voile violet pour mieux respirer, et Ikuteruka reconnut son visage anguleux, aux pommettes saillantes, sa bouche aux lèvres minces, son nez aplati. C'était bien lui. Sur l'autre banquette, celle qui était contre la cloison séparant les deux compartiments, Ikuteruka distingua une autre forme humaine, également allongée. Mais il ne put savoir si l'inconnu, qui devait être le secrétaire du maître sans nom, dormait aussi. Résolu à tout risquer, Ikuteruka ressortit sur le marchepied et, arrivé devant le compartiment occupé par le maître sans nom et son acolyte, inséra son poignard entre la portière et le panneau dans lequel était encastrée la vitre qu'il souleva doucement et fit descendre. Par l'ouverture, il passa son bras et atteignit le verrou intérieur qu'il avait vu de l'autre compartiment. Il le poussa le plus vivement qu'il put et, ayant attiré la portière à lui, bondit dans le compartiment. Mais le courant d'air avait éveillé le compagnon du maître sans nom. Il se dressa, vit Ikuteruka, ouvrit la bouche pour crier, et ce fut tout. Car Ikuteruka, l'ayant saisi par la ceinture, le souleva, et d'une secousse des reins, le fit passer par-dessus son épaule et le lâcha dans le vide sur la voie. Malheureusement, le maître sans nom, éveillé lui aussi par l'air frais de la nuit, ouvrait les yeux, et ce fut pour voir Ikuteruka se pencher sur lui, et lui appuyait la pointe de son poignard sur le cou à l'endroit où passe l'artère carotide. « Chut !» fit simplement le grand détective. Le maître sans nom comprit ce que signifiait cet ordre, et aussi il reconnut celui qui venait de l'émettre. Ses yeux, grands ouverts, exprimèrent une rage diabolique, mais il ne bougea pas, n'appela pas. Ikuteruka, brusquement, leva son poignard et de toutes ses forces, en abattit le manche sur le crâne du mystérieux individu. Le bandit, assommé, perdit connaissance. Ikuteruka, s'étant assuré que ce n'était pas une feinte, alla refermer la portière et déshabilla aussitôt son homme. Une deuxième fois, Ikuteruka changea de costume. Il revêtit celui du maître sans nom et habilla ce dernier avec les hardes qu'il venait d'abandonner. Mais au moment où il se disposait à garrotter le mystérieux personnage, celui-ci, revenu de son évanouissement, lui sauta la gorge. Ikuteruka, pris au dépourvu, glissa sur un pli du tapis. Le bandit, le maintenant sous lui, étendit une main vers sa ceinture pour y prendre un poignard et l'en frapper. Mais Ikuteruka, revenu de sa surprise, réussit, d'une violente secousse, à faire lâcher prise à son ennemi qu'il renversa à son tour sous lui. Le maître sans nom fit entendre un rugissement de fureur et empoigna le grand détective par les bras. Ikuteruka se sentit faiblir.